madame bonjour, monsieur. Je dis à c'est un bonjour. M'en vient demander permission pour faire piazza sortir. Nous connaître depuis longtemps. C'est pour ça m'en vient demander la permission pour m'empêcher ça faire Marilyn sortir. Bye, Phoebe.